Les dragons ont peur des princesses, par Arnaud Fontaine. Il était une fois un roi qui était bien fâché de ne pas avoir d'héritier pour son trône. Pourtant, la reine lui avait déjà donné 6 petites filles, toutes plus belles les unes que les autres. Hélas, aucun fils qui ne put brandir son sceptre et revendiquer sa couronne. Lorsque son épouse tomba enceinte sur le tard, il pensa que l'heure était enfin venue. Eh bien non, de réchef non. Le jour de sa naissance, le souverain ne daigna pas même jeter un regard sur la petite dernière, ou même simplement lui choisir un prénom. La reine, entre deux larmes, décida de l'appeler Camille. Aucune des fées qui habituellement seraient venues offrir un don à la princesse n'osa braver la colère et le dépit du monarque. Toutes, sauf une, la fée Carabosse. Elle, qui haïssait les humains du plus profond de son âme, se pencha sur le berceau et contempla le bébé. Parce que la princesse n'était pas la bienvenue dans ce monde, la vieille femme bossue la reconnut comme sa filleule et lui offrit un présent. Elle déposa dans le berceau une petite lance et une paire de bolas, deux petites boules en bois reliées entre elles par une solide corde. « Que ces armes grandissent autant que ta féminité, et qu'aucun homme sur cette terre ne soit plus digne que toi de les porter. » Tel fut le vœu de celle qui, pour la première fois, souhaitait le bonheur à quelqu'un. Pour tenter d'amener le roi à accepter sa fillette, la reine donna l'ordre à sa nourrice de la vêtir de bleu et de lui couper à la garçonne ses cheveux châtains. Le roi, troublé par son prénom épicène et l'apparence de son enfant, eut un regain d'intérêt. Mais cela ne dura pas. Camille était une vraie petite fille. Tout ce qui était tenté pour la masculiniser échouait. Le seul moment où elle se montrait sous un jour bien différent, c'était lorsqu'elle se rendait sur le champ clos où d'ordinaire s'entraînaient les chevaliers. Sur son poney, puis sur son cheval, elle excellait dans les joutes et désarçonnait sans coup faire rire le moindre adversaire. Ce qui amusait beaucoup les maîtres d'armes lorsqu'elle était enfant, donna lieu à une crise politique majeure lorsqu'elle fut adolescente. Pour apaiser la colère des hommes humiliés, le roi prit un décret pour interdire aux femmes la participation au tournoi. La place d'une demoiselle est de s'asseoir en tribune, de se choisir un champion et d'accrocher un ruban à sa lance, rappela le roi à Camille sur le ton de la remontrance. Où va-t-on si les plus grands paladins du royaume tremblent comme des fillettes devant une fillette, justement ? Père, rétorqua la princesse, en réalité ils tremblent comme des couards et non comme des fillettes. Le temps des demoiselles en détresse est bel et bien fini avec moi. Le roi, en maugréant, ordonna à sa benjamine de se faire confectionner une robe et de venir au grand tournoi de la Saint-Médard parée de ses plus beaux atours. Vous y jouerez votre rôle de gentedame, et comme vos sœurs, vous proposerez à l'un des participants de porter vos couleurs. Tel est mon ordre, tel est mon bon plaisir. Le jour dit, c'est une Camille belle comme le jour qui fit son entrée dans l'espace équestre. Dernière à choisir son champion, elle jeta son dévolu sur un chevalier qui faisait peine à voir, et que d'ailleurs l'on n'avait jamais vu auparavant. Le ruban violet noué à la hampe de la lance du guerrier, elle fit une profonde révérence à son père, et suivie de sa duègne, regagna ses appartements en signe de protestation. « Quel damné caractère! Je plains celui qui l'épousera !» se dit le souverain. Cette pensée lui rendit immédiatement le sourire et l'humeur festive. Le tournoi débuta. Au fil des tours, l'un après l'autre, les concurrents furent défaits par le chevalier au bouquet de violettes. Rien ne semblait arrêter sa course. Lui, qui n'avait pas réussi à emprunter sur le plancher des bâches, s'avérait être un cavalier émérite et un bretteur redoutable. La joute finale, une passe d'armes suffit. Le marquis de Tomblaine, habituel vainqueur du tournoi, mordit la poussière en moins de temps qu'il ne faut pour le dire. Lorsque le roi s'apprêta à remettre le trophée au héros du jour, il demanda « Noble seigneur, quel est votre nom ?» Une voix, que le monarque ne connaissait que trop bien, résonna sous le homme que le vainqueur n'avait pas encore ôté. « Je suis Camille, princesse de Pémanie, » put-il entendre. Il bondit comme un ressort de son trône et s'écria « Mais c'est diablerie ! Comment ma fille s'est-elle à la fois offert ses falbalas et glissé dans son armure ?» Enlevant alors son équipement, elle laissa paraître son visage resplendissant. Elle s'écria, avec fierté et joie, « Nul maléfice, père. L'un de vos valets m'a prêté son concours le temps que je puisse me choisir. » C'en était trop. Le roi fit arrêter sur le champ ce chevalier impertinent qui avait défié une fois de trop son autorité. Le souverain, soucieux de ne pas perdre la face devant ses vassaux, fit emprisonner le valet qui avait été complice de cette odieuse farce. Il prononça l'exil de sa fille, vous ne reviendrez épouse d'un prince, ou vous ne reparaîtrez plus jamais à cette cour. » Camille prépara son baluchon, fourbit ses armes et enfourcha son cheval gris. Elle erra plusieurs jours de village en forêt. Arrivée aux confins du royaume, elle fit une halte dans une taverne pour y trouver le gîte et le couvert, mais surtout pour prendre le temps de la réflexion. Seule dans sa chambre, alors qu'elle se baignait dans une eau vivifiante, elle se laissa aller à quelques larmes, la tête prise entre ses deux mains. Quand elle se redressa, elle vit avec stupeur qu'à quelques pas de la baignoire se tenait une vieille dame voûtée. Elle avait l'air affable. Cette dernière lui tendit un drap de bain. Une fois séchée, Camille se dirigea vers la table où s'était assise la chambrière. Elle lui avait préparé un thé. « Alors, ma filleule, que comptes-tu faire à présent ? Où comptes-tu aller ?» demanda Carabosse. « Disons que depuis ces derniers temps, j'ai perdu mon avenir de vue, chère marraine. »« Il te faut un prince, n'est-ce pas ?»« Oui, telle est la condition de mon pardon. Mais quel prince voudrait d'une simple coureuse des bois comme moi ?»« Dans ma carrière de fée, je peux te garantir que j'en ai vu de ces bellâtres couronnés, un peu nigauds, qui compensaient leur peu de jugeote par une témérité qui leur tenait lieu de courage. Eh bien, tu mérites mieux que cela. » Camille resta interdite. « Je suis venue pour t'indiquer là où tu pourras trouver un prince à charmer. Mais je ne vais pas te mentir, ta quête sera périlleuse et pleine d'embûches. Au point où j'en suis, je n'ai pas grand-chose à perdre, de toute façon. » Carabosse lui parla alors du fils du roi de Garabagne. C'était un érudit. Depuis sa prime enfance, il ne cessait de lire. Il avait soif d'apprendre. Lorsque son père le confia à un maître d'armes, au lieu d'exercer l'escrime, il pratiqua la rime et composa des ballades. « Voilà qui est original !» s'écria Camille. La sorcière poursuivit sa description de l'héritier du trône, en lui racontant que lors d'une de ses leçons avec un archer, il avait retiré la plume de l'empennage d'une flèche pour se mettre à écrire sur un parchemin. « Quel drôle de personnage !» soupira la jeune fille. Face à la réaction intéressée de sa filleule, Carabosse ajouta que de guerre lasse, son père l'avait enfermé dans une tour d'ivoire sous la garde d'un dragon. « Sa punition est de ne pouvoir quitter cette prison qu'une fois que le dragon sera vaincu, » conclut la sorcière. Camille poussa un soupir de consternation. « Et le prince » demanda-t-elle. « Qu'a fait le prince ?» La fée esquissa un sourire avant de répondre. « Ce qu'il a toujours fait, lire. » Sa mère a eu le temps de faire aménager la tour qui recèle désormais des ouvrages que lui envierait la bibliothèque d'Alexandrie. Camille poussa émerveillée un « Oh !» pendant que Carabosse précisait « Alors tu imagines bien que disposant d'un garde-manger magique pour pourvoir à ses besoins, il n'éprouve absolument pas l'envie de quitter ce havre de paix et de retrouver le monde réel, ses obligations et ses contraintes. » La princesse, qui avait oublié d'être sotte, réfléchit un instant et dit « Ton idée, ma reine, est que j'aille délivrer le prince et que, reconnaissant, il m'épouse, que nous vivions heureux, que nous ayons beaucoup d'enfants et que je puisse rentrer tranquillement au palais. » La vieille femme opina du chef. « Bon, terrasser le dragon, cela ne m'inquiète pas trop. Mais vivre heureuse et mariée, cela me semble quelque peu contradictoire. Pire, l'idée de faire beaucoup d'enfants me glace. Ma pauvre mère s'est essayée et regarde où ça nous a menés, » constata Camille. Déconcertée par le bon sens enfantin de sa filleule, la fée Carabosse conseilla. « Tu vas t'amuser à vaincre ce dragon, c'est un panse de fer ukrainien lourdeau et paresseux. Tu lui fermes le bec avec tes bolas. Tu lui aiguillonnes la panse avec ta lance magique, et je suis convaincu qu'il ne demandera pas son reste. J'ai vu des dragons mourir et tuer pour des tas d'or, mais pour des rayonnages de livres, jamais. Admettons, mais après j'en fais quoi de ton rat de bibliothèque ? » Nullement manque d'idées, la vieille femme lui suggéra malicieusement. « Tu le ramènes chez ton père pour un petit mariage à la sauvette si tu ne veux pas d'une noce en grande pompe. S'il ne te convient pas, tu l'enfermes dans une tour du château avec ses précieux ouvrages et te voilà libre comme l'air. Voilà une idée qui me plaît bien, ma reine. » Sans se départir de son humour, Carabosse suggéra une autre solution tout aussi opérante. Si en revanche, comme on le dit, les contraires s'attirent, tu pourras toujours porter la culotte à la maison et les robes au bal. Il fallut une semaine à la princesse pour arriver en Garabagne, guère plus pour trouver la tour, et pour faire déguerpir le dragon. Celui-ci n'opposa qu'une résistance de façade, un grognement par-ci, un coup de griffe par-là, juste suffisamment pour qu'on ne se moquât pas de lui. Puis il s'envola, tire d'aile, comme libéré d'un fardeau. Le prince était d'une grande beauté. Des boucles blondes lui donnaient l'allure d'un chérubin, et ses petites lunettes dorées grossissaient démesurément un regard pétillant d'intelligence. Amoureux au premier regard de sa libératrice, il s'avéra incapable de lui dire non, ce qui, aux yeux de Camille, était sans conteste sa plus grande qualité. Je vous laisse imaginer le retour triomphal de la princesse à la capitale, le mariage du siècle qui s'ensuivit, et la décision du roi de modifier la constitution. L'héritier de la couronne est de droit le fils aîné du roi. À défaut de descendance mâle, la benjamine des filles peut prétendre au titre de reine si elle a un époux de sang royal et qu'elle a vaincu un dragon. Une dernière question restait en suspens. Camille serait reine, mais son mari serait-il le nouveau roi, lui ? Le principal intéressé expliquait que si on voulait lui imposer par écharge, il aimait mieux rentrer chez ses parents. « Quitte à monter sur un trône, confessa-t-il, qu'au moins ce soit celui de mes ancêtres. » Il fut donc admis qu'il pourrait se contenter d'être l'époux de la reine, le prince consort. Un prince consort de sa bibliothèque uniquement pour les cérémonies officielles, bien évidemment. Ainsi s'achève « Les dragons ont peur des princesses » par Arnaud Fontaine.